Alors, comme nous avons appris le mot femme, je suppose que vous voudrez aussi apprendre le mot pour dire homme ou mâle, qui se dit... Nan, nan, double lever, nan. Alors dites-vous que cet homme est un nan. Alors sans dire le 1 de la phrase française, traduisez, a-t-elle un petit ami? Ta, yo, nan, peng, yo, ma. A-t-elle un petit ami? Ta, yo, nan, peng, yo, ma. Et comment répondez-vous oui? Yo. Yo. Comment direz-vous ton professeur est-il à la maison maintenant en parlant d'un homme? Alors, ton professeur maintenant se trouve à la maison. Ni de nan lao shi xian zai zai jia ma. Ton professeur est-il à la maison maintenant? Ni de nan lao shi xian zai zai jia ma. Donc, quand nous avons une phrase comme « Ton professeur est-il à la maison maintenant ?» ou bien « Nous verrons-nous demain ?» alors dès que nous entendons ces mots de temps, « maintenant »,« aujourd'hui »,« demain », une petite lumière rouge clignote dans notre tête et nous savons instantanément que ce mot devra être déplacé au début de la phrase, juste après le « qui », celui qui fait « quoi ». Dites-moi, « il dit qu'il est à la maison ». Ta shu shu il dit il est à la maison. Alors ta shu ta zai jia. Comment dites-vous dire ou parler? Shua. Le ton est bon, mais c'est chaud. Rappelez-vous, cet homme politique ne fait que parler, c'est un vrai chaud. Chaud. Mais rien ne dit qu'il tiendra ses promesses. Alors, dans « il dit qu'il est à la maison », on ne met pas le « que », et cela donne en chinois « il dit, il à la maison ». Ta, chaud, ta, zai, jia. Et maintenant, dites, cet étudiant voudrait-il lire ce livre maintenant? En précisant que l'étudiant est un garçon. Cet étudiant voudrait-il... Donc, nous allons... Mettre maintenant. Cet étudiant maintenant voudrait lire. C'est ça. Alors, cet étudiant... Chodo na che... Chang, xian zai, xiang, kan, oh non, non, kan, ce livre, zhe de shu ma. Comment dites-vous ce livre? Zhe de shu, zhe ge, c'est ge. Imaginez que le chanteur Mick Jagger, Jaga n'aime peut-être pas les choux. Jaga chou. Donc ce livre. Jaga chou. Comment dites-vous étudiant? Ça finit par chant. Shi chant. Double levé. Xue. Xue. Xue chant. Xue chant. Xue, xue, xue sheng, xue sheng. Donc, cet étudiant, en parlant d'un garçon, zhe ge nan xue sheng. Cet étudiant voudrait-il lire ce livre maintenant? Zhe ge nan xue sheng xian zai xiang kan zhe ge shu ma. Alors en passant, rappelons que lire se dit regarder livre, c'est-à-dire 看书. Et si vous voulez dire lire ce livre-ci ou ce livre-là, alors comment dites-vous regarder ce livre-ci? 看这个书. Comment dites-vous celui-là? La personne est en train de lire ce livre-là. 看那个书. 看那个书. Il dit que tu es en train de lire. Tu lis en ce moment précis. Il dit que tu es en train de lire maintenant. Il est inutile de traduire le « que » en chinois. Vous direz simplement « Il dit, toi, regardez livre maintenant. » Il dit, toi, maintenant, en insistant, lire. D'accord. Ta shuo ni xian zai zai kan shu. Il dit que tu es en train de lire maintenant. Ta shuo ni xian zai zai kan shu. Il ne veut pas lire maintenant, littéralement. Il maintenant ne pas vouloir regarder livre. Ta xianzai pu xiao kan shu. Comment dites-vous vouloir avoir envie de xiao? Il faut dire xiang. Il ne veut pas lire maintenant. Ta xianzai pu xiang kan shu. Alors dites, pourquoi ne veut-il pas lire? Et n'oubliez pas qu'en chinois, on dit littéralement « regarder livre » pour dire « lire ». Wei shenme, pourquoi ne veut-il pas lire le livre? Pourquoi il ne pas vouloir? Ta bu xiang kan shu. Comment dites-vous pourquoi? Wei shenme. Bien. Wei shenme. Oui, rappelez-vous, hein. Wei chemin. Alors, pourquoi ne veut-il pas lire? Wei shenme. Ta bu xiang kan shu. Comment direz-vous? Il dit qu'il est très occupé maintenant et qu'il ne veut pas le lire maintenant. Commençons par « il dit, il est très occupé maintenant » sans traduire le « que ». Donc, il dit « Tra shuo ». Il est très occupé maintenant. Alors, « il maintenant est très occupé ». Oui, c'est ça. « Tra xian zai hen meng ». Il dit qu'il est très occupé maintenant. « Ta shuo, ta xian zai hen meng ». Et en parlant du livre, il ne veut pas le lire maintenant. Ta xianzai bu xiang kan ta. Il ne veut pas le lire maintenant. Ta xianzai bu xiang kan ta. Donc, vous aurez remarqué qu'au lieu de dire kan shu, lire un livre, on a employé kan ta. Le lire, littéralement, lire il en parlant du livre. Alors, les deux solutions sont correctes et vous les entendrez toutes les deux. Nous n'avons pas utilisé ta très souvent pour dire le, mais si vous voulez, vous pouvez aussi employer ta pour désigner les objets dans les phrases et vous l'entendrez également à l'oral.